je veux pas te croire. Elle a prêté sa guitare. Quelqu'un vient s'en aller. Je crois que je vais craquer. Thank you.